إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا اليوم نأتي على الربع الرابع من حديث عبد الله بن عمر الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات، وثلاث كفارات، وثلاث درجات. فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية. وأما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء في السبرات، ونقل الأقدام إلى الجماعات. وأما الدرجات فإطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالناس، والصلاة بالليل، والناس نيام. وحديثنا اليوم عن هذه الدرجات، وقد ورد في فضلها حديث أبي موسى أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام، كما في سنن ابن حبان، وهو حديث صحيح. Aujourd'hui, nous parlons de la fin du hadith d'Abdullah ibn Omar que l'on a expliqué durant les discours des semaines précédentes. Le hadith que Abdullah ibn Omar rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit: trois destructrices, trois protectrices, trois expiatrices et trois élévatrices. Quant aux destructrices, c'est le fait d'obéir à une avarice, de suivre ses passions et d'être prétentieux. Quant aux trois choses qui sauvent, c'est d'être juste en état de colère et de sérénité, c'est d'être économe lors en état de richesse et de pauvreté, et c'est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala en solitude ou en assemblée. Et quant aux trois expiatrices de péché, c'est le fait d'attendre une prière après en avoir accompli une, c'est d'accomplir les ablutions de façon complète, même dans les moments difficiles, et c'est de se diriger à pied pour accomplir une prière en groupe. Et quant aux trois élévatrices, c'est-à-dire qui élèvent en degré, c'est le fait de nourrir ceux qui ont besoin d'être nourris, c'est de se saluer mutuellement, et c'est de prier la nuit pendant que les gens dorment. Et aujourd'hui, nous allons expliquer les trois élévatrices et leurs mérites ont également été cités dans le hadith de Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a dans le paradis des chambres qui, lorsque l'on est à l'intérieur, on peut voir l'extérieur, et lorsque l'on est à l'extérieur, on peut y voir l'intérieur. Allah subhanahu wa ta'ala les a préparés pour ceux qui nourrissent les pauvres, pour ceux qui se saluent entre eux et pour ceux qui prient la nuit pendant que les gens dorment. إطعام الطعام عمل من أجل القربات وأعظم الحسنات. عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لصهيب رضي الله عنه خياركم من أطعم الطعام. ومهما قل وصغر ما يطعمه الإنسان غيره فإنه يعظم عند الله سبحانه وتعالى حين تصحبه نية صالحة. وفي الحديث الذي رواه ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. والفلو والفصيل هم صغار الخيل والإبل. وفي حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتصدق بالكسرة أي بشيء قليل من الطعام تربو عند الله تكبر ويكبر حجمها تكبر عند الله تربو عند الله عز وجل حتى تكون مثل أحد. والحديث صحيح. والعبرة أيها المسلمون بصلاح النية ولو مع القليل. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله أنه قال أي أبو هريرة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل أي قدر ما يحتمله الإنسان حال القليل المال. وفي سنن النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبق درهم 100,000 درهم. فقال رجل وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال رجل كثير المال أخذ من غرم عرضة 100,000 درهم تصدق بها ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به. Le fait de nourrir les pauvres fait partie des adorations les plus récompensées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'un homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quel est le meilleur acte qui peut être fait en islam, et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu c'est de nourrir le nécessiteux et c'est le fait de saluer envers celui que tu connais comme celui que tu ne connais pas. Les musulmans doivent se saluer entre eux et tu ne dois pas saluer ton frère seulement parce que tu le connais. Ceci ne fait pas partie des comportements que nous a enseigné l'islam. Un musulman passe le salam à son frère musulman même s'il ne le connaît pas, même s'il ne l'a jamais vu auparavant, il doit le saluer car c'est un musulman et les musulmans se doivent de se saluer mutuellement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Suhaib radiallahu anhu « Khiyarukum, le meilleur d'entre vous est celui qui nourrit le nécessiteux. » Peu importe la quantité que tu donnes, peu importe la quantité de nourriture que tu donnes en aumône afin de nourrir le nécessiteux, cela n'a pas d'importance à partir du moment où cet acte est accompagné d'une intention qui est sincère et que tu as voulu dans ce geste la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme cela est rapporté dans le hadith de Aïcha radiallahu anha, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah fructifie la date ou la bouchée de nourriture que l'un d'entre vous a donnée en aumône, comme l'un d'entre vous élève son chamelot ou son poney. » Allah subhanahu wa ta'ala élève, c'est-à-dire qu'il fructifie cette aumône que tu as donnée et elle ne cessera d'accroître en récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith de Abu Barza al-Aslami radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le serviteur donne en aumône une bouchée de nourriture qui augmente chez Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à atteindre une dimension similaire à la montagne de Uhud. » Comme je l'ai dit, c'est l'intention qui compte. Peu importe la quantité que tu donnes, il a été dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un dirham ont précédé 100 000 dirhams. Un dirham ont précédé 100 000 dirhams, c'est-à-dire qu'ils sont plus importants et plus récompensés chez Allah subhanahu wa ta'ala que 100 000 dirhams. Un homme a dit, comment cela est-ce possible, ô envoyé d'Allah? Il a répondu, un homme qui a beaucoup d'argent et qui a pris de sa richesse 100 000 dirhams et les a donnés en aumône, et un homme qui n'avait en sa possession que 2 dirhams, il a pris un de ces dirhams et l'a donné en aumône. Ce dirham qu'il a donné a plus de récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala, car il n'avait en sa possession que 2 dinars. Ainsi, cette récompense, même si elle est petite en quantité, mais elle est immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuha al-muslimun, inna al-dhahiba min al-mali huwa al-baqi, والباقي هو الذاهب. عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها؟ قالت ما بقي منها إلا كتفها. فقال بقي كلها إلا كتفها، أي ما تصدقت به فهو باق وما بقي عندك فهو غير باق، إشارة إلى قوله تعالى ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، كما في سنن الترمذي. والذي يريد أن يقي وجهه من النار فليسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل، كما في صحيح مسلم. وفي يوم الهول الأكبر والحر الشديد وحين تدنو الشمس من الرؤوس يكون المتصدق في ظل صدقته، كما في حديث عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. Sachez également que ce qui est parti reste et que ce qui reste est parti, c'est-à-dire ce que tu as donné en aumône reste. Contrairement à ce que il peut apparaître, et ce qui reste, c'est-à-dire ce que tu n'as pas donné en aumône, part en réalité. Écoutez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Aïcha radhiyallahu anha a égorgé une brebis et elle a donné en aumône de la viande de cette brebis, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, que reste-t-il de la brebis? Elle a répondu, il ne reste qu'une épaule. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il reste tout sauf l'épaule. C'est-à-dire tout ce qu'elle a donné en aumône de cette brebis reste en réalité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wa sallam faisait ici allusion à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran lorsqu'il dit selon le sens, ce qu'il y a auprès de vous et t'amené à une est éphémère, et ce qu'il y a auprès d'Allah restera, c'est-à-dire ce que tu as donné en aumône en voulant la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien sache que tu le retrouveras le jour du jugement. Quant à celui qui veut préserver sa personne de l'enfer, qu'il écoute la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit, comme cela est rapporté dans le sahih de Muslim, celui qui a la possibilité de se préserver du feu de l'enfer, ne serait-ce qu'avec le noyau d'une date qu'il le fasse, c'est-à-dire celui qui a la possibilité de donner en aumône ne serait-ce que le noyau d'une date, qui n'a pas de valeur, qui est quelque chose de très peu valorisant, mais le geste compte, et Allah subhanahu wa ta'ala pourra t'épargner du feu de l'enfer grâce à ce noyau de date que tu auras donné en aumône. Et sachez que le jour du jugement, le jour de la rétribution, ce jour où le soleil sera proche de la tête de chacun de nous, et cette personne seront sous l'ombre d'Allah le jour où ce jour-là il n'y aura d'ombre que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toute personne sera sous l'ombre de son aumône jusqu'à ce que les gens soient jugés. Jusqu'à ce que les gens soient jugés. Celui donc qui donne un aumône, cet aumône sera pour lui une ombre le jour du jugement qui le préservera de la chaleur de l'enfer. وأما الدرجة الثانية في الحديث هو إفشاء السلام. قال أهل اللغة: السلام في اللغة السلامة، ومنه قيل للجنة دار السلام لأنها دار السلامة من الآفات، ففيها بقاء بلا فناء، وغناء بلا فقر، وعز بلا ذل، وصحة بلا سقم. والسلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. قال الحافظ ابن الحجر العسقلاني رحمه الله: ومعناه السالم من النقصان، السالم من النقصان والنقائص. وإفشاء السلام نشره بين الناس ليحيوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلمت فأسمع، فإنها تحية من عند الله، وأقله أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم المسلم عليه، فإن لم يسمعه لم يكن آتيا بالسنة. قاله النووي رحمه الله. أيها المسلمون، جاء في ذكر السلام في القرآن في نحو من 30 موضعا بمعانيه المختلفة، وحفلت نصوص السنة بذكره في 65 حديثا. يقول صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. فهل رأيت أبخل ممن يحرم نفسه أجر السلام؟ ففي حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر، كما في سنن الطبراني. وعن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه فأفشوه بينكم، فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له فضل درجة بتذكيرهم إياه، فإن لم يردوا عليه رد من هو خير منهم وأطيب. La deuxième, ou le deuxième acte qui élève en degré, c'est le fait de se passer mutuellement le salam. Le salam qui signifie en langue arabe la paix, d'où l'appellation du paradis comme étant la demeure de la paix, c'est-à-dire celle où il n'y a pas de mal. C'est la demeure éternelle qui ne s'épuisera jamais. C'est une demeure où il n'y a que de la richesse sans pauvreté. C'est une demeure où il n'y a que de la force sans faiblesse. C'est une demeure où il n'y a que la bonne santé sans maladie. Et As-Salam est aussi un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de tout défaut, est exempt de toute chose rabaissante subhanahu wa ta'ala. Et le fait de se passer mutuellement le salam doit être réalisé pour faire revivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète alayhi wa sallam a dit à un de ses compagnons: lorsque tu salues, fais entendre ton salut, car c'est un salut qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le minimum donc dans le salut, c'est que celui que tu salues entende ton salut. Et celui qui salue son frère sans que son frère n'entende son salut n'est pas considéré en islam comme avoir salué son frère, comme l'a dit Al-Imam al-Nawawi rahimahullah. Et le terme salam a été cité dans le Coran à plus de 30 reprises et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans plus de 65 hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la personne la plus faible est celle qui n'a pas la possibilité d'invoquer et la plus perverse des personnes, c'est celle la plus avare, afouane des personnes, c'est celle qui est avare dans le salam. Pourquoi? Car la récompense est immense, et celui qui se prive de saluer ses frères se prive d'une immense récompense dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Abu Hudayfa radiallahu anhu, où le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: lorsque le croyant rencontre son frère croyant et qu'il le salue et lui serre la main, alors leur péché s'efface comme tombent les feuilles d'un arbre. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit également que le salam est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Diffusez-le entre vous. Afshuhu baynakum. Wa huwa ayas salam barakatun tahullu ala ahli al-bayt. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: ya bani, idha dakhalt ala ahlik fasallim yakunu barakatan alayka wa ala ahli baytik, kama fi sunan al-Tirmidhi. وما أعظم أثر السلام على المجتمع حين يفشوه فيه وينتشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، كما في صحيح مسلم. وجاءت نصوص كثيرة بتحريم الهجران بين المسلمين والحث على التواد والتصافي. فعن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، comme fait Sahihain. Et le fait de saluer est une bénédiction que le musulman fait entrer dans sa maison. Selon Anas ibn Malik radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ô mon enfant, lorsque tu rentres chez ta famille, salue-les, ceci sera une bénédiction pour toi et pour les membres de ta famille. Prends donc l'habitude, lorsque tu entres chez toi, de dire assalamu alaykum. Et lorsque tu sors de chez toi, de dire assalamu alaykum. Car comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: وليست الأولى بأحق من الأخرى. أي ليس السلام الأول أولى من السلام الثاني. فكلاهما واجبان. Lorsque tu rentres chez toi, dis assalamu alaykum. Passe le salut aux membres de ta famille et ne leur dis pas bonsoir ou bonjour ou salut ou ciao ou au revoir. Cela ne fait pas partie des comportements du musulman. Le musulman commence par le salam et termine par le salam, et c'est malheureusement quelque chose qui est de plus en plus délaissé. Et ce fléau est encore plus visible dans des pays non musulmans comme celui-ci, où les musulmans malheureusement sont influencés par les coutumes et par les habitudes des non-musulmans en délaissant des choses qui font partie des emblèmes de l'islam. Un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le salam, qui doit être diffusé entre nous comme le nous l'a ordonné Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez qu'il est obligatoire de se saluer entre nous. Il est obligatoire de commencer par le salam. Quant à retourner le salam, si une personne salue un groupe de personnes, il est obligatoire à ce groupe de personnes que au moins l'un d'entre eux réponde à ce salam. Il n'est pas obligatoire que tous lui répondent, mais au moins l'un d'entre eux doit lui répondre. Et sachez que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le petit salue le grand, que celui qui est debout salue celui qui est assis, et celui qui est en monture salue celui qui n'est pas en monture. Et les effets de se saluer mutuellement sont très nombreux. Parmi ces effets positifs, c'est le fait de s'entraimer, de s'aimer et d'augmenter l'amour des musulmans entre eux et leur fraternité, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous ne rentrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous croyez, et vous ne croirez pas jusqu'à ce que vous vous aimez. Voulez-vous que je vous indique une chose? Lorsque vous la ferez, vous vous aimerez. Il a répondu, passez-vous le salam entre vous. Et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mettent en garde la rupture d'un musulman avec son frère musulman et de mettre son frère en quarantaine et de ne pas lui parler et de l'esquiver et de passer à côté de lui en tournant le visage dans la direction opposée, cela est interdit en islam, ou plutôt est interdit au-dessus de 3 jours. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela est rapporté dans le hadith d'Abi Ayyub, il n'est pas autorisé à un musulman de s'écarter de son frère ou d'ignorer son frère au-dessus de 3 jours. Ils se rencontrent et celui-ci se détourne et l'autre se détourne, et le meilleur d'entre eux sera celui qui commencera par le salam, comme cela est rapporté dans Al-Bukhari ou Muslim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فالدرجة الثالثة في الحديث قيام الليل. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة بعد المكتوبة فقال الصلاة في جوف الليل. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أهل قيام الليل في خمسة عشر موضعا من القرآن، منها قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وقال سبحانه وتعالى في وصف المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار أي في الوقت المتأخر من الليل وبالأسحار هم يستغفرون. وقال مطرف بن عبد الله قل ليلة أتت عليهم قل ليلة أتت عليهم إلا صلوا من أولها أو من وسطها. وقال سبحانه وتعالى في وصف عباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أيها المسلمون، أولى خطوات تعويد النفس على ذلك أن ينام الإنسان طاهرا ناويا للقيام. ففي الحديث من بات طاهرا بات في شعاره وهو ما يلي البدن من الثوب ملك، فلا يستيقظ إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. وفي سنن أبي داود عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيعتار، أي يستيقظ من النوم من الليل فيعتار من الليل فيسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. بل من كان من أهل قيام الليل فغلبته عينه فنام كتب له أجره وكان نومه صدقة من ربه عليه. وفي سنن النسائي عن أبي الدرداء رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. والحديث صححه الألباني رحمه الله. Le troisième acte élévateur en degré, c'est bien sûr d'accomplir la prière nocturne. Cette prière qui est, par la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des prières après celle obligatoire. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge de ceux qui prient la nuit dans plus de 15 endroits dans le verset. Parmi ces versets, la parole d'Allah azza wa jal, ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espérance. Et Allah Azza wa Jal dit également dans un autre verset selon le sens, il dormait peu la nuit et aux dernières heures de la nuit, il demandait le pardon. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les serviteurs du Tout Miséricordieux en les qualifiant et disant, et ceux qui passent les nuits prosternés debout devant leur Seigneur. Sachez que le premier pas à faire pour prier la nuit, c'est de dormir en état d'ablution, en état de pureté, et d'avoir l'intention d'accomplir cette prière nocturne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout musulman qui dort après avoir fait son rappel et s'être purifié, puis se réveille la nuit et demande à Allah subhanahu wa ta'ala un bien de cette vie d'ici-bas ou de l'au-delà sans qu'Allah azza wa jalla ne lui accorde. Plus que cela, celui qui avait l'habitude de dormir et une nuit parmi tant d'autres, le sommeil a été plus fort que lui. Il n'a pas pu se réveiller malgré qu'il ait dormi en état de pureté et malgré qu'il avait cette intention d'accomplir sa prière nocturne. Mais cette nuit-là, le sommeil a été plus fort que lui. Et bien qu'il sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera la récompense comme s'il avait prié, et que ce sommeil sera considéré comme une aumône, comme cela est rapporté dans le hadith d'Abu Huraira, d'Abu Darda radiallahu anhu, un hadith qui a authentifié à Cheikh al-Albani rahimahullah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se rend dans son lit en ayant l'intention de prier et qui a été vaincu par ses yeux, c'est-à-dire par le sommeil, jusqu'au matin, eh bien il lui sera écrit ce qu'il avait l'intention, et son sommeil sera considéré comme une aumône vis-à-vis de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Wa kan yas'a ash-shaytanu wa yajhad li yahula duna al-'abd wa qiyam al-layl. Wa fi as-sahihayn 'an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala ya'qid ash-shaytan 'ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa na'im thalath 'uqad yadrib 'ala kulli 'uqdah عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقده فإن توضأ إن حلت عقده فإن صلى إن حلت عقده إن حلت العقد كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان والعياذ بالله. Combien d'efforts met le diable pour mettre un obstacle entre le musulman et la prière nocturne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme cela est rapporté dans Sahihayn, selon Abu Hurayra radiallahu anhu, que le diable fait 3 nœuds au niveau de la tête de chacun d'entre vous lorsqu'il se couche, et à chaque fois qu'il fait un nœud, il dit, tu as devant toi une longue nuit d'or. Et lorsque le serviteur se réveille et se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire fait le rappel que doit faire le musulman lorsqu'il se réveille, eh bien un nœud se détache. Et lorsqu'il fait ses ablutions, un autre nœud se détache. Et lorsqu'il prie, tous les nœuds se détachent. Et ce musulman sera ou connaîtra une matinée, une journée où il sera dynamique, où il se sentira bien dans sa peau, et dans le cas contraire, il se réveillera en étant fainéant et en se sentant très mal dans sa peau. وما أجمل ساعات الليل ودقائقه حتى يصف العبد قدميه ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأختم بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهو حديث صحيح قالت وروتنا بأعجب ما رأته من حال النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أتاني في ليلتي أي النبي صلى الله عليه وسلم حتى مس جلده جلدي ثم قال ذريني أتعبد لربي عز وجل قالت فقلت والله إني لأحب قربك وأحب أن تعبد ربك فقام إلى القربة فتوضأ صلى الله عليه وسلم ولم يكثر صب الماء ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته، ثم سجد فبكى حتى بل الأرض، ثم اضطجع على جنبه فبكى حتى أتاه بلال يؤذنه بصلاة الصبح. قالت فقال يا رسول الله، أي بلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال ويحك يا بلال، وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله علي في هذه الليلة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم قال عليه الصلاة والسلام، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتدبرها ولم يلقي النظر فيها. وقد سار على نهجه في ذلك أصحابه رضي الله عنهم، فهذا عمر كان في وجهه خطان يسودان، وكان يمر بالآية من ورده من الليل فيبكي رضي الله عنه، وكذلك عثمان رضي الله عنه. فقد روي عنه من وجوه كثيرة أنه صلى بالقرآن في ركعة واحدة عند الحجر الأسود أيام الحج، وقد كان هذا من دأبه رضي الله عنه. Je terminerai par le hadith de Aïcha رضي الله عنها qui nous rapporte de ce qu'elle a vu de plus étonnant chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith est authentique. Elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu dans ma nuit, c'est-à-dire dans la nuit qui était réservée à Aïcha رضي الله عنها. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était juste entre ses femmes, et chacune de ses femmes avait une nuit qui lui était propre et dédiée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, autorise-moi à adorer mon Seigneur subhanahu wa ta'ala. Elle a répondu, par Allah, j'aime lorsque tu es proche de moi, et j'aime aussi lorsque tu adores ton Seigneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est alors levé et s'est dirigé vers une jarre d'eau avec laquelle il a puisé l'eau de ses ablutions sallallahu alayhi wa sallam, sans abuser de cette eau. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, a prié et a pleuré jusqu'à tremper sa barbe sallallahu alayhi wa sallam. Puis il s'est prosterné et a pleuré jusqu'à tremper le sol. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir terminé sa prière, s'est allongé sur le côté et a pleuré jusqu'à ce que est venu à lui Bilal radiallahu anhu pour faire l'adhan de la prière du Fajr. Et il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurer. Il lui a dit, oh envoyé d'Allah, qu'est-ce qui te fait pleurer alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a pardonné tes péchés postérieurs et tes péchés futurs? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, oh Bilal, qu'est-ce qui m'empêcherait de pleurer alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a révélé cette nuit sa parole où il dit subhanahu wa ta'ala, il y a dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance entre la nuit et le jour des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, malheur à celui qui la lit et qui ne raisonne pas. C'est-à-dire malheur à celui qui lit ce verset sans le méditer et sans le raisonner. Et ainsi étaient ses compagnons radiallahu anhum. Omar radiallahu anhu avait deux traits noirs sur son visage radiallahu anhu, les traces de ses larmes lorsqu'il pleurait la nuit. Et Uthman ibn Affan radiallahu anhu, sur lequel a été rapporté de plusieurs versions différentes qu'il a prié en une rak'at la prière de la nuit et y a récité le Coran dans sa totalité. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا من الذين يفشون السلام ويصلون بالليل والناس نيام واقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين